Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ukážem vám predmety, je na vás, aby ste mi ukázali, kde sú umiestnené. Ukážem vám predmety, je na vás, aby ste mi ukázali, kde sú umiestnené. Montrez-moi où est l'enveloppe. Ukážte mi, kde je obálka. Ukážte mi, kde je obálka. Montrez-moi où est la clé. Ukážte mi, kde je kľúč. Ukážte mi, kde je kľúč. Montrez-moi où est le rasoir. Ukážte mi, kde je holiací strojček. Ukážte mi, kde je holiací strojček. Montrez-moi où est le verre. Ukážte mi, kde je pohár. Ukážte mi, kde je pohár. Montrez-moi où est le crayon. Ukážte mi, kde je ceruzka. Ukážte mi, kde je ceruzka. Montrez-moi où est le téléphone. Ukážte mi, kde je telefón. Ukážte mi, kde je telefón. Montrez-moi où est la montre. Ukážte mi, kde je hodinky. Ukážte mi, kde je hodinky. Montrez-moi où sont les ciseaux. Ukážte mi, kde sa nachádzajú nožnice. Ukážte mi, kde sa nachádzajú nožnice. Montrez-moi où est le peigne. Ukážte mi, kde je hrebeň. Ukážte mi, kde je hrebeň. Montrez-moi où sont les lunettes. Ukážte mi, kde sú okuliare. Ukážte mi, kde sú okuliare.